certaines croient que j'ai lâché l'affaire. Pourtant les mots sortent comme à l'époque de ma première affaire. Guérillage, guerre. J'ai pas un stylo, une feuille et j'ai plus qu'à laisser faire. Ça s'explique pas, ça s'écoute, ça se dévore pas, ça se goûte, ça s'apprécie. Tout ce qui me dégoûte finira ici. Tous mes sables, les potes, leurs putes m'attendent comme le messie. Mais sans forme, le fond de ma phrase et la soupe est enfin prête. Des types comme Derlaine reprennent mes couplets et les répètent. Dis-moi après avoir vu ça, comment veux-tu que j'arrête? Quand cette magie opère, putain de sa mère, ça devient féerique. Et encore meilleur quand le son à fond, les voisins disent arrête ou on appelle les flics. C'est là qu'est amorti le fric investi dans mon sampleur. C'est là que je m'implique à fond, midi avec un peu plus d'envie, je dois être le meilleur. Et suis sûr de l'avoir été. Rap comme une mère doit l'été. Comme un keeper roule d'été. Il s'éclate la tête, c'est son truc. Moi je me défonce à faire rimer sur ma feuille en attendant le stud. Je veux des samples à la Dr. Dre. Et du nique leur mère les stupes. Y'a plus de mailles, reste les souvenirs et le gros. On se retrouve au bercail, c'est l'instru qui nous défonce. Vic Mac, Echen Vendrell, gilet pare-balles, fusil à pompe. Mola City, Zogwa, Shane Moss, les Mike Tyson. Y'a plus de mailles, reste les souvenirs et le gros. On se retrouve au bercail, c'est l'instru qui nous défonce. Vic Mac, Echen Vendrell, gilet pare-balles, fusil à pompe. Mola City, Zeg, Shane Moss, les Mike Tyson. J'ai entendu tellement de fois, j'aurais pu, j'aurais dû faire, j'aurais dû être. Je me rappelle l'époque Vendette, City, Zeg sur scène, tellement que même les rockers bougeaient leur tête. Nervous check, hardcore fusion, basse, guitare et neck. Imagine Kurt Cobain avec des dreads, des putains de dreadlocks. Fusil à pompe dans le coffre, on est en 98, la France s'offre la coupe du monde. Pendant qu'on coupe notre cheatox, mon putsch Black Mafia dans le poste. Seul les trimpés, aujourd'hui je sais que j'étais dans le off. J'ai évité la tôle sans avoir poucaf comme tant d'autres. J'ai fait tant de trucs moches pendant toute une décennie, mais à coup pas sur disque. J'ai pris des risques, investi toutes mes billes, même si les jours de galère je regrette. À l'époque j'y croyais dur comme fer, j'ai entendu tellement de fois, j'aurais pu, j'aurais dû faire. Y'a plus de mailles, reste les souvenirs et le gros. On se retrouve au bercail, c'est l'instru qui nous défonce. Vic Mac, Echen Vendrell, gilet pare-balles, fusil à pompe. Mola City, Zogwa, Shane Moss, les Mike Tyson. Y'a plus de mailles, reste les souvenirs et le gros. On se retrouve au bercail, c'est l'instru qui nous défonce. Vic Mac, Echen Vendrell, gilet pare-balles, fusil à pompe. Mola City, Zeg, Shane Moss, les Mike Tyson. Y'a plus de mailles, reste les souvenirs et le gros. On se retrouve au bercail, c'est l'instru qui nous défonce. Vic Mac, Echen Vendrell, gilet pare-balles, fusil à pompe. Mola City, Zogwa, Shane Moss, les Mike Tyson. Y'a plus de mailles, reste les souvenirs et le gros. On se retrouve au bercail, c'est l'instru qui nous défonce. Vic Mac, Echen Vendrell, gilet pare-balles, fusil à pompe. Mola City, Zeg, Shane Moss, les Mike Tyson.